La Lède, première partie. Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés, qui disaient qu'une femme en sait toujours assez, quand la capacité de son esprit se hausse, à connaître un pourpoint d'avec un haut de chausse. Molière. Mon Dieu, que c'est ridicule une femme auteur! Auteur, ce mot est effrayant. Il renferme tant de choses, tant de pensées diverses, tant de réflexions, que pour rien au monde je ne voudrais être appelée ainsi. Nommez-moi, si vous voulez, rêveuse, conteuse, causeuse, voire même radoteuse. Mais auteur, ah, grâce, grâce, à ce mot je me sens au menton quelque chose que je ne puis définir, et j'y porte la main précipitamment. Vraiment, j'ai craint un instant d'y rencontrer la barbe de bouc de nos merveilleux de la jeune France. Heureusement, il n'en est rien. Mais imaginez-vous donc une femme auteur ! À mon idée, c'est un être naturellement pédant, qui se croit beaucoup et d'une importance sans pareille, qui parle haut, répond fort, discute, interrompt sans dire excusez. Un être qui se mêle de politique, raisonne budget, guerre, Pologne, un être qui se donne des airs, qui dit « mon livre, mon imprimeur, mon libraire », ne plus ne moins qu'un homme de lettres, un être qui porte la tête penchée, les cheveux en désordre, de l'encre au bout des doigts, possible au front, qui sait, au nez, un être qui réfléchit, qui compose, qui dit parfois des choses sensées. Et vous prétendriez que je suis un être comme celui-là, moi, Berthe. Certes non, je vous assure, je ne me fais nullement cet effet. Si cela était, j'aurais peur, j'irais me cacher, crainte de me voir. Je fuirais le jour, crainte de rencontrer mon ombre. Et parce qu'un libraire s'est avisé de mettre le mot « auteur » à la suite de mon nom, parce qu'il a réuni quelques feuillets épars, écrit dans un moment d'oisiveté, auquel il a donné le nom pompeux de livre. Vous seriez assez bon pour le croire sur parole? Quelle erreur! Un livre! Mais pensez-y donc! Voltaire a fait des livres. Jean-Jacques Rousseau a fait des livres. Monsieur de Chateaubriand a fait des livres. Et vous voudriez qu'à l'instar de tous ces grands personnages, qui ont écrit des pages sublimes, j'allasse dire aussi comme eux « mon livre » Ah, ce serait dérision. Un livre, mille choses frivoles, sorties d'un cerveau plus frivole encore. Un livre, une foule de rhapsodies écrites entre une matinée de visite et une soirée de bal. Un livre, des mots mis à la suite les uns des autres, souvent sans but, sans raison, tracés au hasard. Un livre, quelques récits attrapés par-ci par-là, plus faux que vrais, parfois invraisemblables. Un livre, ah, plutôt jeter au feu plume, papier et encre. Voilà, j'écris, je raconte, j'invente. Je dis tout ce qui me passe par la tête. Je dis des choses que des gens raisonnables pourraient à coup sûr qualifier de rêverie. Que moi, j'appelle tout bonnement écrit, barbouillage, griffonnage. Je cause avec moi quand je m'ennuie. Parfois, comme les enfants, je me fais des contes pour m'endormir, et puis je mets tout cela sur du papier. Maintenant, êtes-vous convaincu de toutes mes prétentions? Oui. Alors, je commence. Mon feu est allumé, ma lampe brûle, et je me sens là, dans la tête, là, dans les doigts, une envie extrême, comme je vous le disais tout à l'heure, de causer un peu avec moi. Baptiste, approchez cette table contre la cheminée. Donnez-moi ce grand fauteuil. Je n'ai pas besoin de ma chancelière, je poserai mes pieds sur les chenets. Mettez encore une bûche au feu. Placez la pincette de mon côté pour tisonner si l'envie m'en prend. Bien. Maintenant, fermez toutes les portes. Ne revenez que lorsque je sonnerai, et allez dire à mon oncle que je suis malade ce soir. Me voilà seule, je suis très bien ainsi. Mais j'entends un léger frôlement tout près de moi. Qui est-ce donc? quel est l'importun qui s'avise de venir me déranger ? Ah, pauvre chatte, c'est toi, viens, Minette. Minette, elle me rappelle toujours une vieille tante, ainsi qu'une certaine époque de ma vie, dont je veux vous entretenir aujourd'hui. Il y a de par le monde un monsieur extraordinairement spirituel, et tant soit peu moqueur, qui prétend que j'ai l'habitude de promettre toujours à mes lecteurs une foule d'histoires. Il en était effrayé, ce monsieur. Et je parie bonne chose qu'en lisant ce chapitre, il va se mettre à trembler. Qui sait ? Il croira peut-être que, faute d'histoire, ce sont des portraits de famille dont cette fois je vais les régaler. Rassurez-vous, monsieur, vous en serez quitte ce soir pour un seul portrait. Et ce sera celui de ma grand-tante, Abigail, s'il vous plaît. Or, imaginez-vous une vieille fille toute ridée, bien méchante, bien riche. Mais le respect que je lui porte m'impose l'obligation de consacrer un chapitre entier à cette parente. Ainsi vais-je le faire.